J'ai retrouvé des recettes d'aspic. Des années 60. Ben, des recettes de ces années-là, des recettes du temps des fêtes, des recettes... Ça, c'est formidable. Tu vois-tu ici un pain au fromage? Un pain au fromage Kraft. Regarde, c'est jaune-orange. Ça, c'est du, c'est du gros cheese Swiss. Avec des olives vertes et rouges. Là. Hey, ça a l'air d'un foie en fin de vie. C'est dégueulasse, avec un traîneau de Père Noël sur le dessus. Non, c'est vraiment un organe mort. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Comme tous les ans, le temps des fêtes ramène son lot de grippe. Alors que partout à Montréal, on tousse et renifle, dans le salon, au coin du feu, Anne feuillette de vieux magazines de cuisine et Marc est absorbé par la lecture d'un best-seller allemand. Alors, mon pain au fromage est préparé avec un pain tranché sur le long. Oui. C'est toujours le fun de trouver ces pains tranchés-là, par exemple. Sur le long? Oui, pour faire des petits sandwichs pas de croûte. Mais il y en a dans le temps des fêtes, mais il n'y en a pas partout. Il faut chercher beaucoup. Il y en a au marché à Pointeux? Non. Oh, c'est fou que ça soit très, très cheap. Là. Il y en a dans des grosses surfaces. OK, tu vas chez Walmart, là. Non, je ne vais jamais là. Jamais. Je n'irai jamais là. Alors, je vais te donner la recette. Tartiner le premier étage de Paris pâté. Okay. Déjà, Paris pâté à Noël, là. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus... Pour les invités, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Là. C'est bon. Mais, pardon? C'est bon, du Paris pâté. Ah, moi, ça me fait penser à de la bouffe à chien. Ben, voyons donc. Oh, oui, je déteste ça. Je trouve que ça sent la marde. Hey. Puis ça a l'air de la marde. Puis ça doit goûter la marde. Je veux pas goûter à ça. Non, pas avec de la moutarde. Le second étage, là, on se souvient qu'on a du Paris pâté au premier étage. Deuxième étage, mélange aux œufs. Alors, pense, okay. Le Paris pâté, un étage de brun, date, un étage de blanc avec du jaune dessus. Moi, c'est ensuite, tout le fun. Oui. Mettre des tranches de jambon cuit. Oui. Du jambon cuit. Oui, ça, c'est après, pas... Après Paris pâté puis les œufs. Ben... Et après ça, ça dit, et on recommence. Hey, rebelote, on remet ça, les amis. Recouvrir le pain de Cheese Whiz et il précise orange. OK, non, ça, c'est... Décoré avec des feuilles de céleri. Des feuilles de céleri comme décoration. Et des olives coupées en deux. Et ça se termine en disant, on en redemande. Ben oui. Hey, qui va redemander de ça? Une mousse aux crevettes. C'est formidable. Ici. Une mousse aux crevettes dans un aspic. Une mousse aux crevettes. Oui. Mais pour répondre à ta recette, c'est que si jamais on se rend jusqu'au bout de ça, moi, je proposerais tout de suite d'aborder pour aider. En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. Le transit, exactement. C'est ça, dans un petit livre. J'ai vu ton mouvement, puis je fais, ils vont me parler de transit, lui. Oui, ben non, mais c'est ça. C'est parce que pendant le temps des fêtes, je disais, c'est tellement important. Il faut que ça marche, parce que tu peux être bouchonné souvent, là. Et alors, ça s'appelle, c'est à partir d'un petit livre publié chez Actes Sud qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Non, pas encore. Voyons donc, je ne suis pas tombé pile. Ben non, ben non, ben c'est comme. Tu parles de transit, puis tu me parles d'intestin. Ben oui. Alors, le champ discret de l'intestin. Le temps des fêtes est commencé. Oui. Et c'est écrit par une médecin allemande qui s'appelle Julia Enders. OK. Formidable, jeune médecin. Et c'est illustré parce qu'il y a des illustrations par sa sœur. Ah, oui. Alors, il y a un chapitre ici sur lequel j'aimerais attirer. Ton attention, j'ai peur de ce que tu vas me dire. Non, pas du tout. Ça mais s'appelle. Tu sais que j'ai un problème avec ça. Hein? Non, mais on ne parle pas de. On parle j'ai une pas relation de... particulière ouais, avec mais mes intestins. Pas de... On ne parlera pas de caca. Alors, le chapitre en question s'appelle L'art du bien chier en ben quelques leçons. Mais voyons, je viens de te dire. On non, non, mais pas de... j'ai dit, c'est l'art du bien chier en quelques leçons. Caca. Et pourquoi le sujet a son importance? Oh mon Dieu. Alors, je vais te le lire comme ça c'est écrit. Ça ne me fait pas rire, moi, ça. Hein? Non, mais c'est juste une lecture à. Oui, oui. Regarde. Tu le dis à un moment donné, ben, tu vas dormir dessus. J'ai mon eau chaude pas loin. Ouais, OK. Bon. Un jour, mon colocataire est rentré dans la cuisine en demandant, dis-moi, Julia, toi qui fais médecine, comment est-ce qu'on fait pour bien chier? Oh, cette phrase a quand même eu sur moi l'effet d'une bombe. Je suis allé dans ma chambre, je me suis assise par terre et j'ai commencé des recherches dans trois ouvrages différents. Et en trouvant la réponse, je suis tombé des nues. Car cette activité si banale, si routinière, était en réalité bien plus raffinée et impressionnante que je l'avais jamais imaginée. Ah oui, c'est sûr, c'est complexe. Notre défécation est un véritable tour de force. Notre corps a développé une cohorte de dispositifs et d'astuces, à commencer par les sphincters. Ça m'intéresse. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... Oui. Mais moi, je l'avais jamais vu comme ça. Ces ingénieux mécanismes de fermeture. Je pensais que tu allais dire de fermentation. Non, ça, c'est les sphincters, la fermentation. Ah, les sphincters, ben oui, ça, c'est ça, c'est comme un petit soleil avec un élastique. Exactement. Ouais. Il y en a des gens qui ont fait des tatous avec ça. Oh, mon Dieu. Presque tout le monde connaît le sphincter externe de l'anus, ben que oui. L'on peut contracter de manière volontaire et ouvrir ou fermer à l'envie. Oui. Qui est celui qui, comme celui tu dis... Celui sur lequel on a une incidence. Oui. On peut lui dire, oui. Sésame, ouvre-toi, sésame, ferme-toi. Oui. Ça, mais c'est l'interne. L'autre, l'externe, celui lui, qui fait est ce le qu'il tatou, veut. Là, on ne peut rien faire avec ça. Ah, OK. Le sphincter externe... c'est pour ça qu'en vieillissant, Ben, c'est-à-dire que... Attends, je vais l'expliquer ici. Je l'ai mal expliqué, mais ils le disent bien dans le livre. Le sphincter externe répond aux ordres de notre conscience. Alors, quand notre cerveau estime que le moment est mal choisi pour notre tube digestif de déposer le bilan, oh, mon Dieu, le sphincter externe obéit à notre conscience et fait barrière du mieux qu'il peut. Bon. Le sphincter interne, lui, est le porte-parole de ce qui se passe en nous et dont nous n'avons pas confiance. Porte-parole. Par exemple, que notre tante Hélène voit les plaies d'un mauvais œil, ne l'intéresse pas pour deux sous. Ben non, comme moi. Si cela ne tenait qu'à lui, la tante Hélène aurait plus souvent affaire à nos flatulences. Pourvu que nos entrailles se portent bien et que rien ne nous chatouille ni ne nous gratouille entre les boyaux. Je peux pas croire que tu me dis ça. C'est écrit dans le livre. Les deux muscles que sont le sphincter externe et le sphincter interne doivent travailler main dans la main. Oh, mon Dieu! C'est Actes Sud qui publie ça. Oui. Voyons donc. Ben oui. Là, moi, je vois deux petites mains qui se parlent. Ils ne nous ont pas habitués à ça. Quand les résidus de notre digestion arrivent au sphincter interne, le muscle s'ouvre automatiquement, mais sans laisser aussitôt passer toute la marchandise vers son collègue la du dehors. La marchandise? Oui. C'est élégant. Pour commencer, il n'ouvre la porte qu'un petit échantillon test. Ce qu'on appelle la trace de break? Qui deviendrait éventuellement une trace. Arc! Les ornières, là. Les pays d'en haut. Ben oui, non, mais non, c'est comme le petit train du Nord. Oh, mon Dieu! Dans la zone qui sépare... Le temps des fêtes, ça allait si bien. Ben oui, mais c'est Noël en même temps. Hey, si on peut pas en parler à Noël, quand est-ce qu'on va en parler? Ben bon, on est entre nous, on va s'en parler. Dans la zone qui sépare le sphincter interne du sphincter externe, un grand nombre de cellules sensorielles s'activent. Les enzymes? Non, c'est pas ça. Non. Et envoie les informations recueillies à l'étage supérieur, le cerveau. Alors le cerveau se dit alors, OK, ben tiens, je lâcherais bien une perle. Oh non. Oui. Non. Oui. Oh non. J'en ai assez. Non, mais c'est bon. Hey, une perle, voyons. Ben, oui. Il y a une vente chez Burks. Arc. Une première estimation réalisée illico presto est ainsi renvoyée au sphincter externe. Neuf. Bon, alors, j'ai inspecté le terrain. On est dans le salon de tante Hélène. Un petit peu passe encore. Et si tu le laisses sortir discrètement, mais pour ce qui est du solide, va falloir attendre. Le sphincter externe saisit la situation et, dans son immense bonté, se ferme encore un peu plus. Un signal qu'enregistre aussi le sphincter interne. Dans un premier temps, il se plie à la décision de son collègue. Les deux muscles unissent leurs forces et mettent l'échantillon en attente. L'échantillon? Oui. Oh, que ça m'écoeure. Le moment venu, si on est alors tranquillement assis à la maison à se tourner les pouces, alors ouvrez les vannes. C'est pas Actes Sud, voyons donc. Oui, c'est Actes Sud. Bon, j'en achèterai plus. Oui. J'achète plus de livres d'Actes Sud. Non. Il faisait des si belles couvertures. Mais la couverture est belle. Aussi. Je le sais, mais... Notre sphincter interne est un petit gars tout en muscles. Ben, ça peut être une petite fille aussi. Oui. Bon. Sa devise, quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Hé, hey, là, là, c'est un gars... Et il n'y a pas la matière à tergiverser pendant des heures. Ben non, c'est ça. Ça, je te dis. Toujours un gars. Me too. Le sphincter externe, lui, doit toujours faire face à la complexité du monde extérieur. En théorie, on pourrait utiliser les toilettes de tante Hélène. À moins que... Tante Hélène, c'est toujours celle qui veut pas qu'on pète dans sa maison. Ah, tante Hélène, elle aime pas les flatulences. Oui, elle aime pas ça. Ça quand on fait ça chez elle. Fatigante. Faisons pas de party. En deuil de la série District 31, qui fait relâche durant les fêtes, Marc et Anne ont soif d'histoires d'agents doubles et de trafic de drogue. C'est pourquoi ils ont donné rendez-vous à Nicole Juteau, une policière qui aurait pu donner des leçons à Nadine Legrand. Bonjour. Bonjour, bon, Nicole. Bonjour. T'es donc bien fine. T'as apporté plein de photos. Ben qu'est-ce oui, que c'est? Parce que, écoute, moi, j'ai été policière pendant 25 ans et demi, mais j'ai fait 18 ans. Oui, je suis la première policière au Québec. La première policière au Québec. Au Québec. Ouais. C'est formidable. Femme, bravo. En quelle année t'as commencé? En 75. 75? Hey, ça fait longtemps, Ben oui, mais en même temps, c'est passé comme un. Mais hey, imagine-toi, c'était l'année internationale de la femme. Donc, ils ont dit, c'est à cause de ça. Ben oui, c'était pas à cause de ça. J'avais fini mes cours. Puis moi, la loi n'était pas changée. J'ai été 4 mois au quartier général à Montréal en civil parce que j'avais pas le droit de porter mon arme à feu, j'avais pas le droit d'être en uniforme. Parce que la loi n'était pas changée, oui. Ben oui. Parce que la loi, ça disait. C'est qu'on revient de loin. Hein? Non, ça change pas longtemps. 5 pieds 8, 140 livres, j'en pesais 110 livres, puis je mesurais 5 pieds 4 et demi, tu sais. Ah. ouais. Fait qu'on est obligé qu'on attende que les ministres changent la loi, qui est arrivée le 11 septembre 1975, la loi a changé. Pour officiellement policière. Accrédité policière, puis de faire de la patrouille. Exact. J'ai fait 6 ans de patrouille, puis après ça, je suis allée à l'escouade du crime organisé. Puis là, t'es devenue agent double. Oui. Quand moi, j'ai commencé à être agent double, la cocaïne commençait à être très, très, très populaire au niveau... On avait beaucoup de marijuana, mais le hash aussi. Mais là, la coke commençait à venir, tu sais. Moi, là, quand j'ai commencé comme travailleur d'agent double... Là, on parle, excuse-moi, on parle Montréal dans les années... Les années 82, 83. Ah, c'est ça. À peu près, ouais. OK, j'ai plein de, ouais. de mais pas de juste Montréal, il y avait partout, okay. là, tu sais, partout, partout. Mais t'avais pas peur... Au point de... Parce j'ai que t'as, c'est quoi le plus loin que t'as été? Je pense que t'avais été danseuse à un moment donné. Oui. Mais excuse-moi, c'était un métier danseuse. Mais j'ai pas été vraiment danseuse. Là, je jouais le rôle d'une danseuse. Oui. Mais t'as dansé? Mais moi, je vais te dire... Non. OK, t'as jamais dansé. Ben non. Parce que là, je me dis, voyons, faut que tu prennes un cours. Non, mais j'allais dans les bars à danseuses, par exemple, puis je me mettais de chambre avec les danseuses. Mm-hmm. Mais c'est ça qui était dangereux aussi, parce que où j'ai eu plus peur, vraiment, là, vraiment plus peur, tu sais... Trafiquer dans un bar, il n'y a rien là. Parce que c'est du public, hein? Tout le monde te voit. S'il arrive de quoi, tu vas te sauver. Tu sais, ouais. Mais moi, je trafiquais dans les maisons aussi privées. Mm. Ça, c'est dangereux. Mm. Parce que ton backup en arrière, les policiers, ils ne te voient pas. Ils t'entendent? Tu as un micro? Des fois, j'avais pas de micro. Comment? Tu n'avais pas de micro? J'avais pas de micro, souvent. Mais sur les grosses finales jobs, tu sais, quand tu remontes. Oui, oui. Puis là, tu sais qu'il y a plusieurs milliers de dollars, là. Mais à ce moment-là, oui, là t'as un backup, t'as tout le groupe tactique d'intervention, ben oui. Tu sais, t'as plein de monde. Puis ça, c'est le fun, tu sais. Oui. Mais la fois, j'ai eu plus peur. C'est excitant, t'aimes ça encore. Ah, moi, j'en mange encore. Écoute, je suis une... En tout cas, passionnée encore. Mais la job, j'ai eu plus peur. C'est fait plusieurs fois, je trafiquais ce gars-là dans la maison privée. Femme est enceinte de 8 mois et 3/4, qui consommait de la coke au bout de devant moi. Ah oui, écoute, moi j'ai trouvé ça terrible. Et un journée après, quelques fois j'avais trafiqué, il savait que j'étais une danseuse, ça allait bien, là, tu sais, puis c'était un bon trafiquant quand même, puis ça. Mais je voulais remonter plus haut. Et sa blonde me dit, oui, elle dit, il est dans la cave. Elle rouvre la trappe, tu sais, une vraie trappe, tu sais, une vraie vieille maison de campagne. De film d'horreur. La là. Trappe. Puis là, je vois ça, puis c'était un escabeau, là. C'est même pas une échelle, c'est même pas un des escaliers, là. Et là, il y a une lumière, je vous jure, là. Une lumière, tu sais, une lumière, par exemple, dans les films. Ouais. Et là, je descends en bas, puis j'arrive face à face avec lui. Moi, je le connais, ça fait 2-3 fois que je le trafique, tu sais, puis je sais que je suis une danseuse. Et je me retourne, puis il y a un petit bain, puis il y a un gars assis. Puis quand il m'a vu, il y avait une tuque comme toi, puis il a descendu comme ça pour pas que je le revoie. Pour pas que je le vois les yeux, sa face, rien, tu sais. Tout ce que je voyais, c'était un petit peu les yeux, je fais. Oh my God. Là, j'ai pas de micro. Quoi, my j'ai God? J'ai pas d'armes. Ça fait peur tout à coup. Parce que lui se méfie que... de toi. Puis ou bien, pense que t'es ben, peut-être... est-ce qu'ils vont me passer ou pas? Ou ben, est-ce qu'ils vont... Ça veut dire ils quoi, vont... ils vont me passer? Ils vont me tirer une balle dans la tête? Ils vont me battre pour savoir c'est qui je suis, puis tout ça. Mm-hmm. Ben il oui. veut pas que je le reconnaisse, ça va pas bien. Ça veut dire qu'il me fait pas confiance. Oui. Ouais. C'est la confiance. Ouais. Quand t'établis une certaine confiance, tu peux faire n'importe quoi. Puis là, ben, je l'ai traîné, moi. Écoute, la cave, là, c'est là que j'ai vu que c'était des labyrinthes là-dedans, tout en terre. Puis là, il faisait noir parce que là, il y avait une lumière, mais moi, je l'avais emmené plus loin. Puis là, je l'ai accroté dans le mur. J'ai dit, tu sais, en tout cas, j'ai sacré un petit peu. Ton chum, je l'aime pas. Ben, c'est qui ça? Ah non, il dit, écoute, il dit, pas peur de lui, il te fera rien. Puis ça, OK. Quand il a dit ça, là, j'ai trafiqué, puis je suis reparti. Hein. OK, Mais, quand j'ai passé les plus grosses commandes, peut-être c'était 7-8 000 $. C'était gros dans le temps, là, ben oui. Je te parle. Là, c'est le SWAT qui devait, le GI qui appelle, qui devait nous arrêter, tu sais, parce que c'était dangereux dans une maison. Oui. Mais la journée de la grosse, grosse transaction, alors moi, j'avais passé une grosse commande au gars en question, mais on savait c'était qui. C'était un gars de Montréal qui venait, parce que nous autres, on avait beaucoup d'informations. Fait que moi, j'avais dit, écoute, j'amène pas l'argent avec moi, l'argent va être à l'hôtel, puis je vais tout planifier avec mon trafiquant qui me fait confiance. Et là, le gars de Montréal rentre dans la maison. Et là, quand je rentre dans la maison, il y a la femme qui est enceinte, puis il y a le gars que je trafique avec, tout est beau. Puis on est sécure ensemble, tu sais, on a une confiance, puis ça. Et lui, il rentre, je me rappellerai tout le temps. Lui, tu le connais pas. Pas du tout. Il me regarde. Toi, t'es une police, toi. Hein? Puis là, il me dit ça bête de même. T'es une police. Puis il dit des belles filles comme toi. Il dit, je sais c'est quoi. Puis il gueule après moi, puis il gueule. Puis là, le cœur me débat. Là, je me dis, oh ben deux choses. Ça, tu côté jardin, puis je m'en vais, ou ben je l'affronte. Et là, je sais pas comment j'ai fait. Je lui parle doucement. T'es qui, toi? Tu connais pas, moi? Moi, pas, je veux pas rien savoir de toi. Je suis en faire avec lui. Puis là, je mets la chaleur sur l'autre, tu sais. Ouais. Je sais pas, je le connais bien, lui. Toi, je te connais pas. Je veux rien savoir de toi. Là, il gueule encore. Puis là, maintenant, il fait, voyons, tu sais, elle panique pas. Ça veut dire c'est correct. Là, il dit, écoute, moi, je veux pas faire de trafic avec toi. Il dit, là, il dit, on va faire une affaire. Je vais aller porter le stock, il dit, dans le cimetière, pas loin. Je dis, non. Pourquoi tu veux pas? Puis il gueule après moi. J'ai peur des morts. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas peur des morts. Ouais. Fait que là, il me dit, là, il gueule après moi. Ouais. Là, il dit, t'as pas l'argent. Je dis, hey, c'est lui qui m'a dit de garder l'argent dans la chambre d'hôtel. Je vais aller chercher tout de suite. Il dit, là, tu vas aller chercher ça. Tu reviens ici, puis je vais t'appeler quand tu vas avoir l'argent, là. Je vais aller, il dit, lui, en parlant de lui, il va aller chercher la drogue pour toi. Moi, je fais pas de trafic direct avec toi. Mais là, moi, je pars avec ma voiture. Et là, la filature me suit. Et là, ils arrivent à côté de moi. Puis là, il me fait signe, baisse ta fenêtre, tu sais. Fait qu'il me dit, attention à toi, ils te suivent. Mm-hmm. Fait que les gens de Montréal, ils avaient emmené une contre-filature sur moi. C'est ça qu'on appelle une contre-filature. Okay, moi, j'avais une filature sur moi pour me sécuriser. Mais il y avait une contre-filature aussi pour voir si c'était vrai. Fait que là, je m'en vais à l'hôtel. Mais moi, j'ai pas loué de chambre à l'hôtel. Moi, mon argent est dans ma voiture. Calique. Mais je l'ai pas dit, moi, parce que je l'ai tiré. Moi, je voulais avoir la drogue. Là, j'avais là, donné le go. Faut que tu rentres dans parce ta chambre moi, d'hôtel. J'avais un micro, puis quand je donnais le go, c'était bang, on se faisait tout arrêter, tu sais. Fait que là, je suis rentrée en courant, puis là, je suis allée aux toilettes, je suis allée me cacher aux toilettes, j'ai attendu un peu, puis je suis sortie, puis je fais l'assemblage, j'avais quelque chose dans les mains, tu sais. Puis je suis rentrée. Sérieuse. Fait qu'ils sont même pas sortis là, de leur voiture, eux autres, non, pour te parce suivre. Que les autres, ils m'ont vu. Fait que là, lui, a appelé les gars qui me suivaient. Ils ont appelé les bandits qui me suivaient, ils ont appelé le gars, OK, oui, est allé vraiment à l'hôtel. OK. Moi, il fallait que tu joues le jeu jusqu'au bout. Ça, c'est ça qui arrive. C'est quand tu comptes de quoi, tu es allé au bout. Ouais. Puis moi, j'avais dit au gars du GI, je vais vous le dire où je suis dans la maison. Est-ce que je suis dans la cave? Est-ce que je suis... Parce qu'en parlant, tu sais. Fait que moi, quand je suis montée au deuxième étage, parce que quand je suis revenue à la maison, le gars qui est propriétaire de la maison, il m'attendait au deuxième. OK. Il dit, viens avec moi en haut, puis tout ça. Puis quand je monte les marches, j'ai frotté mon micro. Ah, j'avais mon micro ici. Plus de batterie. Puis non, non, mais ils n'ont pas entendu où j'étais dans la maison. Parce que j'ai dit, ah, c'est bien fatigant monter les marches au deuxième étage. Moi, on t'a dit, j'ai ça. Parce que, faut que tu... Ben oui. Ils l'ont pas entendu. Non. Fait qu'eux autres, ils savent pas du tout. Mais c'est donc bien des histoires d'horreur. Écoute, je suis sans connaissance. Et là, mais moi, je sais pas qu'ils l'ont pas entendu. Moi, je me sens sécure. Fait que là, à un moment donné, je vois l'auto du gars de Montréal qui arrive. Je fais, oh my God. Ça marchera pas, là. Il est pas supposé venir. Il avait dit qu'il appellerait. Il monte en haut. Il me regarde, je suis la police! Il commence à m'écœurer encore. Je dis, hey, arrête de m'écœurer, là, toi. Puis là, il sort le bon. Hey, le sac de pourne, c'est de la coke. Hey, malade. Hey, là. T'en avais pour 8000 dans ce temps-là. Ouais. Là, je le regarde, je dis, oh my God. Là, il me donne le sac. Oh, merci, merci. Mais là, lui, il est dans le porte-patio tout le temps, puis il regarde. Ouais. Je peux pas donner le go. Ouais. Parce que c'est trop dangereux pour moi de, mm-hmm. me faire prendre. Parce que à partir du moment qu'ils voient les policiers, ils peuvent te prendre en otage. Mm-hmm. C'est ça qui est dangereux. Fait que je l'ai pris par le cou, puis je l'ai traîné jusqu'à divan. Ouais. Oh, merci, merci. Puis là, je le prenais par le cou. Ben non, mais tu sais, je le câlais. Ouais. Je faisais un petit câlin, tu sais, ah, merci, merci. Là, j'étais Chris de... C'était mon code. C'est, de toute façon, je peux c'était le dire. C'était quoi ton code? Du Chris de Beaustock. C'est du Chris de Beaustock. C'est du Chris de Beaustock. Hey, écoutez mais bien voyons, ça. Donc, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Hey, écoutez bien ça, là. Je vous jure. Du moment que j'ai dit le code, savez-vous combien ça a pris de temps qu'on était couchés à terre, menottés? Non. 10 secondes. Ben voyons donc. Ils sont rentrés par la porte le patio. Je jure. Non. Par en bas. Ils ont rentré. Ils ont monté 10 secondes. Écoute, c'est OK, des ouais. Machines. Ouais, ça doit. Ça, c'est le SWAT. Puis on plante en tabarouette, je te jure. Puis là, ils ton garroché. Quand ils m'ont planté à terre, c'était drôle parce qu'ils m'ont planté, lui, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais on était tous couchés, puis on avait toute la face l'un de l'autre qui se regardait. Puis là, moi, je. Celui qui se méfiait, là, tu dis. Tout non, était mais, pas clair. Ben oui, c'est ça. Même s'ils t'ont plaqué à terre puis qu'ils t'ont menotté, ils étaient sûrs quand même que t'étais une police. Non. Ils pensaient que j'étais une danseuse qui travaillait pour la police. Parce ouais, que c'est bon, travaille pour la police. Ouais, non. Ouais. Non. Un bandit, un vrai trafiquant, il fait un vrai de la mafia ne touche pas une police. Ah, dans bon? Le milieu. Ah non. Un vrai de la mafia ne touche pas la un police. Un vrai pourquoi? Ne touche pas la police. Comment, pourquoi? Parce que s'il arrivait de quoi un policier, tous les policiers du Québec se mettraient sur le dos de trouver c'est qui a frappé, qui a battu, qui a tué un policier. OK, il y a ce vrai code-là. Il y a un code d'honneur. Oui, mais des fois, il y en a qui dérogent un peu. Là, les trafiquants, eux autres... Oui, les petits pas fins, les pas intelligents, il y en a plusieurs. Mais par contre, une danseuse, elle n'a pas de protection. Là, hey, est-ce que ça t'est arrivé de t'attacher à des gens que tu savais que tu allais vendre à un moment donné ou que tu t'as regretté, peut-être pas... d'avoir fait ton travail, sûrement pas jusqu'au bout, mais que tu as regretté d'avoir enlevé à des enfants leur père ou leur mère? Moi, ça m'est arrivé vraiment une fois. Ça faisait 4 mois que je trafiquais dans une région. J'avais fait à peu près tous les trafiquants qu'il y avait, mais je m'étais attachée à un qui était le plus haut. Puis il était beau, il était fin, puis ça. Puis écoute, il m'aimait beaucoup. Puis il m'avait conté sa vie, tu sais, son père était mort, puis sa blonde était tuée d'un accident d'auto, tu sais. Puis je m'étais attachée un petit peu avec, puis tout ça, mais tu sais. Puis il me montrait sa comptabilité de drogue. Tout ça pour dire que on passe une grosse commande de drogue, puis ça, une couple de milliers de dollars encore, puis tout ça. Puis j'avais dit au gars de GI, j'ai dit, ah, fais-y attention, fais-y pas mal quand on va se faire arrêter, puis tout ça. Puis là, les gars m'avaient dit, ah, t'es-tu tombée amoureuse de lui? Puis ça, non, pas du tout, mais j'avais une amitié avec ce gars-là. Là, j'ai dit, va chercher la drogue, on se donne rendez-vous de telle place, je prends un taxi, puis je te rejoins là. Il dit, OK. Ah, il me disait, il voulait que j'aille au local des moteurs avec eux autres. Mais moi, je voulais pas. Parce qu'il me dit, on monte une grande côte, puis rendu en haut, on va voir si les policiers nous suivent. Puis il est allé tout seul, puis là, on s'est donné rendez-vous en bas. Puis là, ben, il a embarqué dans mon auto, il m'a montré la drogue. Quand je suis sortie dehors, j'ai dit mon code. Puis quand on peut, on a un code visuel aussi, au cas que le micro marche pas. Attends, t'as dit ton code aux policiers? Pour les policiers, okay, oui. C'est du crise de beau stock. Mais j'avais toujours un foulard, tout un petit foulard, moi. Puis je l'enlevais, puis tu sais, je l'enlevais comme ça, puis je niaisais avec. Ça veut dire... Parce que s'ils t'entendent pas avec le micro, ce qui m'est déjà arrivé à Montréal, 3 fois, je suis sortie pour avertir les policiers, là. Je pensais de mourir dans le bar, là. Mais... À ce moment-là, ils sont rentrés. Et quand ils nous ont sortis puis ils nous ont mis sur le capot de la voiture, il m'a regardé puis il m'a dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait là, fille? » Ah oui. Il savait, même là, si toi, là, tu te faisais arrêter. Là, ben oui, mais là, je fais, « Ah, oh, mais... » Puis j'avais dit aux policiers, « Mettez-nous dans les cellules, une à côté de l'autre. » Parce que des fois, ils parlent. C'est déjà arrivé, moi, qu'il y en a un qui était dans les cellules avec moi. Il dit, « Ah, oh, en tout cas, ils trouveront pour ma drogue, ils cachent à telle place. » Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais il faut que tu sois là. Ben, mais... c'est sûr, il faut que tu sois là pour l'entendre. Fait que là, tu as dit, mais toi, tu savais, donc, qu'ils t'avaient potentiellement reconnu ou en tout cas identifié ben là, comme oui, agent. Mais puis ça m'a fait de quoi? Parce que les yeux... Encore aujourd'hui, les yeux, je les vois encore comme c'était hier. Ah oui, tu m'as trahi. Puis là, fait qu'on s'est mis dans les cellules, toutes les deux, puis tout ça. Et à un moment donné, il tape ses murs. Ma vie est finie, je suis finie. Puis moi, j'ai plus rien dans la vie. Puis il frappe ses murs. Puis là, je dis, arrête-toi. Puis tu sais, je sentais un petit peu de détresse. Fait que quand les policiers sont venus me chercher pour supposément m'interroger, fait que les policiers sont venus me chercher. Puis là, écoute, c'est la fête. Écoute, les gars m'embrassent. C'était la plus grosse transaction qu'ils avaient jamais faite. Puis tout ça. Puis là, je dis aux gars, faites attention, surveillez-le. Il est bizarre un petit peu. Quand les policiers sont venus, c'était pendu. Non. Oui. Non. Mais il est pas mort. Les policiers l'ont réanimé. Écoute, c'était la panique dans le poste. Puis moi, à partir du moment-là, moi, j'ai blackout. Ouais. Blackout. Moi, j'ai fait comme... Moi, je vais arrêter des bandits, mais je suis pas prêt à tuer quelqu'un, tu sais. Ouais. Dans ce sens-là. Excuse-moi, t'as-tu arrêté après ça? Non, mais non. Ah non. Écoute, c'est arrivé à 11 h le soir. Et là, ils l'ont réanimé. Ils l'ont emmené à l'hôpital, l'ambulance, la police, en tout cas, le kit. Puis là, à l'hôpital rempli, ils ont dit, ils passera pas la nuit. Non. Fait que là moi je me suis éloignée, je me suis mis dans une salle. Écoute, j'étais complètement... J'ai dit non, là, c'est pas vrai, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis ça. Puis il y avait un policier qui était mon backup, qui était agent double aussi. Puis il est venu me voir, mais il m'a fait un gros câlin. Il m'a dit, tiens, Nicole, je te comprends tellement, parce que moi, ça m'est arrivé avec une danseuse qui a mangé une volée à cause de moi. Fait que tu passes la nuit, excuse-moi, là? Non, il n'est pas mort aujourd'hui, mais il est légume. Ah, oui. Et moi, quand il y a une mort évidente dans un poste de police, c'est l'enquête. Hein? Oh my God, ça, c'est la police de Québec qui vient, puis ouais. la Sûreté du Québec, puis en tout cas, tu sais. Puis moi, je voyais, puis mon camarade m'avait averti que s'il mourait, il y a une enquête du coroner, ça va être public, là, ta carrière est finie, comme agent double. Ben oui, évidemment. Et je suis allée une fois dans une ville, c'est pas évident, là. J'ai trafiqué 12 personnes en 2 fins de semaine. OK, 12 trafiquants en 2 fins de semaine. Mais attends, on était dans un centre d'achat, un petit centre d'achat en face des places qu'il fallait aller trafiquer. OK. Puis on faisait des sondages Puis là, j'arrive, j'en vois un. Je dis, j'avais dans mon cou une feuille de pote, tu sais. Oh. Quelqu'un, pas qui m'avait donné en argent. Fait que là, il arrive, là, il dit, tu prends de la Marie? Ben, comment ça? Ben là, ça, ah! Ben, il dit, regarde, moi, j'ai du hache, il me montre une grosse brique de hache. Là, c'est si bon, ça fait 15 minutes qu'on est arrivé. Ben non, tu sais, parce qu'on est là pour un sondage, voyons. Ouais. Oui, mais puis là, le sondage, attends, le sondage, c'est quoi, ça finissait? C'était sur les journaux. Lisez-vous le Journal de Montréal, lisez-vous. Tu sais, moi, j'avais fait plein de... Puis on a fait des feuilles, puis l'an dernier, ça disait, êtes-vous intéressé à donner votre nom, votre adresse, qu'on va vous envoyer un sondage, il va être énuméré cette fois-là. Ben voyons. Puis il y a comme un crétin, il a dit oui. Le gars me traitait, il me donnait son nom, son adresse. Quand je suis arrivé à la cour, le juge, l'avocat, il dit, comment vous avez réussi à les identifier? Ben c'est eux autres qui me donnaient leur nom, leur adresse. Ah oui, formidable. Ben voyons. Puis, dans le dernier, un des dernières causes que j'ai fait, écoute, ben c'était à bord de 18-19 ans, je suis rentrée là, j'avais 40 ans. Puis, il fallait le faire, tu sais, ce gars-là, il battait des petits trafiquants indépendants, parce que c'était moi, j'ai connu la guerre des motards, là, tu sais, vraiment, la grosse guerre des motards. Ah oui, t'étais là, ben oui. Oui, ce gars-là, il fallait le faire. J'ai réussi à le trafiquer 3 fois. Puis après la 3e fois, la journée que je devais aller pour lui demander une plus grosse quantité, j'y avais demandé, il dit oui, ça va marcher. Je suis arrivée dans le bar, je dis, hey, il n'est pas là, un tel. Il dit, non, il n'est pas là. Je dis, ah, Colin, il y a un gars à côté. Mm-hmm. Il me regarde, il dit, pourquoi t'as affaire à lui? Je le regarde, je ne sais pas de tes affaires, toi. On sacre un petit peu, je ne sais pas de tes affaires, toi. Je ne veux rien savoir de toi, je ne te connais pas. Fait que là, mon nez, j'en avec. Moi, il dit, pourquoi tu veux savoir ça? Je dis, hey, c'est pas tes affaires. Il dit, c'est-tu pas de la coke? Il dit, c'est moi qui y vends. Puis j'ai réussi à le trafiquer. Puis ce premier soir-là, ça a été, je l'ai envoyé promener. Rien, j'ai pas fait, tu sais, ce gars-là. Tu sais, ça a été vraiment le fun. Puis. En contexte, si on prend juste ta phrase tout seul, là, ça peut être. Ah oui, oui, oui. Pas à double sens, mais je comprends ce que tu dis. Mais le plus drôle, c'est quand il est arrivé à la cour, il est venu témoigner. Moi, j'ai témoigné, tu sais, puis straight, là, tu sais, tout. Et là, il témoigne, lui, puis c'est rare qu'un accusé témoigne, tu sais. Il dit, monsieur juge, c'est pas moi, j'ai pas trafiqué elle, cette fille-là, puis ça. Fait que le juge, il dit, puis là, il y a plein de monde dans la salle, là, plein d'avocats, plein de motards, puis ça. Là, il dit, pourquoi? Il dit, vous pensez, monsieur, c'est une femme police? Oui, je pensais que c'est une femme police. Ben, monsieur, voyons donc. Oui, qu'est-ce qui vous faisait dire ça? Il avait l'air d'une matante. Hey, là. Oh mon Dieu. Et là, je veux le tuer. Là, tout le monde rit dans la salle, le fou rire, tout le monde. Ouais. Et ça a été mon surnom avec les Hells Angels. Ma tante? Oui. Ben, écris tes mémoires. Puis combien? Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Non, non, moi, je lirais ça, là. Anne pourrait jouer. Non, je ferais pas la jandou. Ah oh, oui, tu serais bonne, Anne. Jamais de la vie. Je suis pas yon, ton corps. Mais j'ai pas l'âge, là. Il aurait fallu que je fasse ça plus jeune. Regarde quel âge que j'ai, là. J'ai trafiqué jusqu'à 45 ans. Anne, tu peux avoir l'air 28 fatigué. Exact. 28 un peu fatigué. Puis, t'es pas loin. Toi, même ta carreux, tu pourrais avoir l'air de moi, motard. Moi, je pourrais avoir l'air. Oh, oui, mon Dieu! Je pourrais t'infiltrer, ben, Marc. Certain, tu pourrais m'infiltrer. Oh. Oui, oui, puis moi, mon nom, c'est... Je pourrais te livrer, puis te... Oui, moi, c'est Minnie Mouse. Les voisins musiciens Joseph, Philippe et Sam sont déjà arrivés et terminent leur premier verre de pina colada. Ils sont prêts à accompagner Anne et Marc dans l'hommage qu'ils souhaitent rendre à leur nouvelle amie, la danseuse ma tante Nikki. Quand tu danses, quand tu swings, tu es simplement la cherche un endroit branché où la musique fait sa loi. Pour suivre tes pas, tu vas trouver un roi. N'importe qui ferait l'affaire. Il est tard, on n'est plus très clair. La musique te met le feu, tout va pour le mieux. Tu entres dans la danse. Et dès que tu t'élances, t'es comme une dancing queen, reine du bal quand tout s'illumine. Dancing queen, douce et belle quand ça tambourine, oh yeah. Quand tu danses, quand tu swings, tu es simplement la reine. toi tu les allumes. Tu les laisses dès qu'ils se consument. Et puis tu passes au suivant. Tant que t'as le temps, tu entres dans la danse. Et dès que tu t'élances, t'es comme une dancing queen, reine du bal quand tout s'illumine. Dancing queen, douce et belle quand ça tambourine. Oh yeah. Quand tu danses, quand tu swings, tu es simple. Apporter un peu de piquant aux longues nuits d'hiver, rien de mieux que des histoires de fantômes. Patrick Sabourin installe ses étranges instruments sur la fameuse table rapportée de l'inoubliable voyage à Marrakech. Là, Patrick, c'est qui les gens qui vous appellent pour aller chasser le fantôme chez eux? Quel genre d'appel que vous recevez? Mm-hmm. Souvent, ça va être dans des nouvelles maisons. La personne vient d'acheter une maison ou même construit une maison et se rend compte que ben, y a des choses bizarres qui se passent chez eux. Mais est-ce que ce sont des gens que tu considères sérieux ou c'est des gens qui déjà sont ils vont regarder leur horoscope à tous les matins? C'est-tu des gens un peu fragiles mentalement? On ne va pas se déplacer à chaque fois qu'il y a un appel. Parce qu'il y en a beaucoup d'appels pour des gens nerveux. Je dirais, à chaque année, on reçoit entre 20 et 65 courriels. Nous, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale dans l'équipe. Ah oui. Pas le choix. Parce que on s'est déjà déplacé dans des places qu'on avait aucun rapport d'aller là. Tu vas juste alimenter quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Si tu vas là et tu dis qu'elle a des fantômes, c'est fini. Elle va virer fou. Fait qu'on a quelqu'un qui est dans le domaine de la santé mentale qui fait la job, a une série de questions, puis elle va nous dire, OK, vous devriez peut-être aller faire une pré-enquête pour voir sur place ce que ça a l'air. OK, puis dans l'eau, il y a bien souvent, j'imagine, vous arrivez, puis finalement, il n'y avait rien. Là. C'était des ratons laveurs qui couraient ou des souris. Exactement. Des fois, c'est une branche d'arbre qui cogne sur le toit de la maison. Okay. Ils vont trop fort. Les autres, ils ne vont pas faire le lien. Là. Des ratons laveurs, ça a déjà arrivé. Ouais. Des odeurs bizarres qui vont être explicables, qui viennent de... Le drain français. Ça prend les drains français. Je te dirais là, que... un ou deux enquêtes là, par année, qui c'est intéressant, où il se passe des trucs qu'on n'est pas capable d'expliquer. Là. OK. Comment vous avez commencé? Pourquoi faire ça dans la vie? Comment ça? Il n'y a pas d'orienteur à l'école qui dit, je te dis, tu devrais être chasseur de fantômes. C'est en 2006, conversation avec ma femme. Moi, j'ai déjà vécu des choses. J'avais beaucoup de questionnements, moi, en rapport avec des choses que j'avais vécues quand j'étais jeune. Dans ta maison, dans ta famille? Un nouvel appartement avec ma famille. OK. Il y avait t'entendais des voix? Il y avait des craquements bizarres? Des silhouettes. Quelqu'un qui connaît. Ben moi, la façon dont ma chambre était faite, ça cognait dans la cuisine, je l'entendais, je tossais le rideau et je voyais quelqu'un était debout devant la porte et attendait qu'on vienne d'ouvrir. T'étais le seul à voir ça. As-tu déjà été chercher quelqu'un et dire, est-ce que tu vois la même chose que moi? Je suis allé avertir mes parents vont voir et il n'y a personne. Puis là, ben, je me fais chicaner. C'est la même silhouette qui est dans le coin de ma chambre. Qui va me parler, qui va faire du bruit pour me réveiller. Là, je pars à courir encore. Je suis jeune, là. J'ai 7 à 8 ans. Ouais, ouais. Puis là, ben, en tout cas, moi, j'ai tout fait pour partir de cette maison-là. De moi-même, je me suis fait placer parce que je voulais pas vivre là. Quoi? T'as changé de maison? Donc, t'étais allé, deux parents, t'étais dans une famille d'accueil, quoi? Ouais, j'ai vécu dans des familles d'accueil. Parce que tu voyais des gens, des ombres. Parce que dans cette maison-là, il se passait des choses que moi, j'étais pas capable de. Je suis jeune, je comprends pas ce qui se passe. Il y a personne qui est là pour me dire ce qui arrive. C'est où, cette maison-là? Sur la 9e avenue à Saint-Michel. Ah, oui. Ouais. Ouais, entre Louvain puis la jaune. Bon, après ça, bon, Saint-Michel, c'est rock'n'roll. OK, ben oui. Okay. Et là, moi, on a ici... Des instruments, on dirait que c'est une blague. C'est comme dans le film, en fait. C'est un peu Ghostbusters. Ben oui. Puis, avec des pitons, un fond jaune, puis je sais, ça fait des sons, ça, j'imagine? Comment tu peux décoder? Je vais commencer avec ces appareils-là. Ça, c'est des appareils de détection qui fonctionnent à la statique. On a réalisé que quand on est sur le point de capter un phénomène de voix électronique, les appareils vont réagir. C'est avec la statique. Toi, tu rentres dans la maison avec ton équipement comme ça. La première chose que tu fais, c'est quoi? On a des équipements de mesure que j'ai pas apportés aujourd'hui. On va prendre les taux des champs électromagnétiques, voir si les champs électromagnétiques sont élevés dans la maison. Ça peut arriver avec les nouveaux compteurs intelligents. À ce moment-là, on a commencé à recevoir beaucoup plus d'appels. Il y en a qui sont ultra sensibles. Fait que ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas te sentir observé, des maux de tête, tu vas avoir beaucoup de malaise, tu vas penser que c'est paranormal ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça, c'est juste... C'est Hydro-Québec. C'est la faute d'Hydro-Québec. Ouais, ah oui, mais il y en a beaucoup. Mais des vieilles maisons aussi qui sont mal isolées, l'électricité, tu rentres là-dedans, puis c'est vraiment élevé, et tu passes en dessous du filage, puis t'as un mal de tête. Ah oui! Je vais vous donner un exemple. Oui. On est à Saint-Clotilde-Darton, c'est un asile abandonné depuis 1988. Il y a eu 9 morts qui sont décédés dans un incendie en 88. Il y a une personne qui s'est pendue dans les années 80, début 80. Un frère qui est tombé du toit. On fait beaucoup de recherches aussi sur les lieux, c'est important. Et j'avais apporté cet appareil-là que j'avais créé. C'était mon premier test et je posais des questions. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Gérard qui était là puis qui est mort dans l'incendie. J'essaie de communiquer avec lui. Et là, je dis, Gérard, ben là, si tu me parles pas, moi, je vais être obligé de m'en aller. Je vais juste mettre ma main, et ça, c'est enregistré, là. Je mets ça, ma main pour l'éteindre. C'est un autre appareil, là. Oui, c'est là-dessus, au travers de ça, qu'on capte des voix. Ça a l'air d'une petite caméra Super 8 avec des fils. Bon, vous l'expliquez après que ça fait, là. Et du moment où je fais juste mettre ma main, ça dit, hey, où c'est que tu vas? Là, on est 5. On est 5 sur place. Il y a une voix qui sort de mon appareil. Qui sort de là? Ouais, avec quoi de même? Avec l'accent du village? Avec un accent. La voyons. Façon que le monde parlait dans ce temps-là avec un accent, c'est « Hey, où c'est tu vas? » On était 5 personnes qui étaient là, on l'a tout entendu. C'est enregistré, c'est sur vidéo, sur notre site Internet. Avec le son. Avec le son, oui. Fait que ça, c'est juste un. J'ai déjà capté des lamentations, des pleurs. Hey, excuse ma question naïve, mais effectivement, ça se peut-tu qu'un CB de radio rentre là-dedans? Oui, ça se peut. Que quelqu'un qui communique par... Il faut... Par CB, auto, les antennes radio, n'importe quoi qui est auto, ça peut rentrer en interférence. Puis comment tu fais la part des choses après? Ben, c'est parce que, si, mettons, c'est pour ça que je pose des questions précises et je vais les répéter de différentes façons. Je vais demander un nom, comme une place, c'était Rivière-la-Guerre. C'est un site historique. Je demande un nom, on me donne Garden. Mais là, pour être sûr, justement, que ce n'est pas un signal radio, malgré qu'il n'y avait pas d'antenne là-bas, on était dans le bois, dans un champ de ladin. Il va me répéter son nom une deuxième fois, Garden, et ça aussi, c'est capté sur vidéo, là. Et en faisant des recherches, le cimetière qui est de l'autre côté de la rivière, le Garden est enterré là. On a obtenu une série de réponses. On lui a demandé, t'as combien dans la maison? Il nous a dit 2. Êtes-vous capable de faire ça? Là, il me dit non. Pourquoi? Il dit, c'est trop dur. Fait que c'est un échange qu'il y a eu pendant à peu près 45 secondes. Quand même. Puis Marie-Josée est sur les lieux, puis elle est en état de panique. Elle qui est là pour normalement nous réconforter puis essayer d'être rationnelle. Là, elle était paniquée, elle avait peur. Elle était paniquée, elle disait, moi, il faut que je sorte d'ici, là. Je suis plus capable de respirer. Toi, t'as déjà eu peur? Es-tu déjà arrivé quelque chose qui t'a vraiment... En 12 ans, c'est juste dernièrement qu'il m'est arrivé quelque chose que ça m'a dérangé. J'ai lâché le domaine pendant à peu près 2 mois et demi. Quelqu'un qui m'envoie un courriel qui me dit « OK, moi, je déménage dans un nouvel appartement avec ma famille et pas question que j'emmène la poupée. » Lui, c'est un collectionneur d'objets bizarres. Et il me dit... on est allé la chercher il y a environ 5 ans. La poupée? Ouais, une poupée. Une poupée. Oh. Puis j'ai failli l'amener, ça. Oh, moi, j'ai peur des poupées. Des poupées de films d'horreur, là? Des poupées de ventriloques, là? Non, mais c'est une poupée de collection qui est faite pour être LED. Fait que lui, ce gars-là, il collectionne des poupées LED. Tu sortes d'affaires, des griffes de Freddy. J'ai vu, il y avait un setup dans son salon. Lui, c'est un adepte des films d'horreur. Ouais, mais lui, quand il est allé la chercher, il a dit qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Il entendait gratter sur le plancher, il cognait dans le mur. Il entendait des murmures. Ils sont deux, là. Lui et sa femme. Alors, mais sa femme a dit, tu te débarrasses de ça. Lui, il l'a pris, il l'a mis dans la cave. Oh non. Dans un garde-robe. 5 ans après, là, c'est là qu'il rentre en contact avec moi. Il m'explique un petit peu la situation. Cinq ans après? Ouais. Fait que je dis, OK, je vais aller la chercher parce que lui déménageait, il voulait pas l'emmener. Je la prends, je la mets dans mon véhicule. Oh, moi, j'ai une lampe de poche dans mon camion qui est là depuis des années parce que des fois, on cherche des adresses, j'ai besoin de m'éclairer. Et c'est peut-être une coïncidence, mais c'est quand même arrivé ce soir-là. Il y a quelque chose qui flash, je le vois de ce bord-là, je regarde et c'est ma lampe de poche qui est allumée. C'est peut-être une coïncidence. Mais la nuit qu'on a passée, moi puis ma femme, on entendait marcher dans la maison. Fait que ma femme, elle a quand même descendu en bas, puis on est tout seul. Elle est brave. Okay, elle est courageuse, ouais, elle est courageuse. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'irais pas. Les escaliers, c'est toujours mauvais. Mais, elle passe ça aurait pu être fantôme, les gars, là. Mais normalement, ils sont pas là. Fait que là, elle est revenue en haut, puis elle dit, ben non, on est tout seul. OK. Là, je suis chez nous, puis ça commence à me déranger. Même ma femme me dit, hey, t'as changé de comportement. Et là, ça fait à peu près un mois là, que la poupée est à la maison. J'ai l'air bête, je suis un grincheux. Je suis pas la même personne. Puis je pose des questions. À un moment donné, je sais que je prends la poupée, je la mets devant moi. Je dis, bon, mais j'ai l'impression que quelque chose qui est attaché à cette poupée-là. Je fais le test. Je dis, est-ce que t'es capable de me donner ton nom? Et ça me dit Anna. Et puis ça aussi, c'est enregistré, là. Elle me l'a dit trois fois, je l'ai fait répéter. On a des clair, mots clair, en là. Allemand. C'est pas... Non, Anna. J'ai même amené cette poupée-là sur des lieux d'enquête. Je me suis servi de la poupée comme élément déclencheur sur des lieux réputés étrangers. Et il y a une entité, ça aussi, c'est enregistré, c'est sur notre site. Il y a une entité qui me demande pourquoi tu l'emmènes. Je demande, est-ce qu'elle vous fait peur? Voyons. Oui, puis j'ai une réponse. T'as bien fait de pas l'amener ici. Les gens pour... ouais. Ben non, fait notre appartement serait hanté. Ben oui, mais les gens posaient à mon père aussi cette question-là souvent, tu sais. Que tu l'amènes. En tout cas, oh, voyons, mais non, mais je dis non, c'est juste pour saluer mon père qui d'ailleurs peut-être va nous répondre, mais on fera ça plus tard. Puis est-ce que tu penses que ces entités-là que tu entends peuvent être dangereuses ou elles font juste peur parce qu'on sait pas d'où elles viennent, mais est-ce qu'elles peuvent se retourner contre toi? Est-ce qu'elles pourraient pousser quelqu'un au suicide? Est-ce j'ai qu'elles peuvent... déjà sorti d'un endroit, ben, c'était le vieux palais de justice de l'Assomption avec des brûlures dans le dos. Pardon? On a essayé de voir si j'étais allergique à quelque chose ou puis je m'étais pas accroché à nulle part. C'est juste... Puis ça avait été super tranquille. Il s'était rien passé. J'ai rendu dans le véhicule. Ma femme était assise en arrière de moi. Puis je demande, écoute, lève mon chandail. J'ai quelque chose qui me dérange dans mon dos. Et j'avais des brûlures, des petits ronds de brûlures dans le dos. Mais c'est plaques parti... d'eczéma parce que tu étais nerveux? Ben non. C'est de l'eczéma, ça peut... Ça a duré trois jours puis c'est parti tout seul. Là. C'était vraiment comme une brûlure qui cicatrise, qui fait comme une espèce de rond là, dans ta peau. Là. Mais c'est ça que j'avais. Puis, c'est quoi pour toi la théorie? C'est qu'ils sont là, tu sais, ce qu'on entend là, qu'ils sont comme ils sont morts, mais ils sont pas passés de l'autre côté ou ils sont morts de façon tellement violente que... Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont morts, on dirait. Il y en a qui savent pas qu'ils sont morts. Ah ouais. Ça, il y en a qui sont attachés à des objets. Plate, ça. Ben ça, oui, ça doit être plate. Ça doit être plate. Tu sais, quand tu le sais pas, là. Quelqu'un qui a fait 25 ans de prison, puis il est mort dans sa cellule, puis il est encore là 100 ans après, ça doit être long, là. Combien ça coûte, mettons, là? Tu sais, il veut dire un chalet, là. En tant que tel, je te dirais que ben, c'est toute l'équipe qui va contribuer. Okay. On est rendu 9, je pense, dans l'équipe. Là, puis quelqu'un va acheter une pièce d'équipement à 300, 200. Okay. Quelqu'un va arriver avec une caméscope à 1000 piastres. Non, mais je veux dire, combien ça coûte pour une consultation? Si moi, ça coûte si rien, moi, ça. C'est, moi, je ne charge pas. Là, je fais pas comment tu fais pour gagner ta vie? Comment tu fais pour moi, je travaille dans la clôture. Ça, c'est ma passion. Ça, OK, c'est comme une job, un loisir, un hobby. Oui, mais je passe plus de temps là-dedans qu'à ma job. Est-ce que tu peux essayer de capter quelque chose ici, chez nous? Mettons, y a-tu... si on ouvrait les machines... Je vais essayer, je vais allumer... Oui, donc, d'un coup, qu'on parle à Gaétan ou Romuald. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. OK, ça c'est normal, ça fait ça à chaque fois? Ouais, c'est juste l'ajustement. Désolé. Ben non, c'est correct. C'est méchant gros fantôme. C'est... Ça, dans le fond, je vais vous expliquer ce que vous entendez, là. Lui, il est en train de scanner les postes. On cherche le bruit blanc. C'est ça, le bruit blanc que vous entendez, là. OK. Et cet appareil-là, dans le fond, c'est pour couper le plus possible le bruit blanc. J'entends. Et vous allez entendre des mots. Ça, c'est un effet de reverb qui est fait par des pédales. OK, fait que ça, il savait pas dire qu'il y a un fantôme. Non, non, non, c'est... Voyons. C'est... J'ai entendu l'accordéon, on dirait. Mais je pense que c'est... J'ai entendu un truc. C'est la voisine, je pense qu'il... On fait peut-être trop de bruit. Non, non, non, non. Oh. Si, mettons, je fais une séance, on est deux, trois personnes, mais moi, je me présente. OK. Salut, moi, je m'appelle Patrick. Les autres vont se présenter comme quand on fait du Ouija. C'est la même chose, mais c'est une technologie. À ce temps, on est capable de se présenter. On peut l'essayer. On peut essayer. Formidable. OK. Bon, okay. On se présente, puis on y va. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute? Bon, moi, c'est Anne. Salut. Hello, buddy. Moi, c'est Marc. Moi, c'est Patrick. Allô? On aimerait ça savoir si c'est quelqu'un qui nous entend. Est-ce que vous êtes capable de dire votre nom? Pour vous présenter? Allez-y à votre rythme, là, mais si... En tout cas, ce serait la moindre des politesses de nous dire bonjour. J'ai entendu une voix. Allô? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vais dire que c'est des interférences. Ah, c'est juste des interférences. Ouais. Là, il y a des coupeurs, là, en ce moment, là. Ben, j'avoue quand même que... Moi, ça me fait peur, c'est un peu le fun. Ben... Moi, ça me fait peur. Non, ben, je veux dire... Écoute, il y a un ami, la semaine dernière, qui habite une maison carrée Saint-Louis avec un sous-sol. Puis c'est une grosse maison. Non, la grosse. Là. Et il était tout seul chez lui. Et là, il entend un déménagement dans le sous-sol. Comme des meubles qui se font changer de place... Les voisins, d'habitude, il est mitoyen avec la maison à côté, mais il les entend jamais. C'est bien isolé. C'est... Il a tellement eu peur qu'il est sorti à appeler la police. Il a dit, il y a quelqu'un chez moi. J'ai peur. Les policiers sont arrivés, sont allés voir. Il n'y avait rien. Puis il est revenu, puis le bruit s'est arrêté, puis c'est pas revenu. Mais tu sais, en même temps, lui, est-ce que ça fait longtemps qu'il habite là? Il a-tu fait des rénovations dernièrement? Oui. Mais quelqu'un qui va me contacter aussi, c'est les questions que je vais demander. Si la personne a fait des rénovations... Mais pas dans le sous-sol. Il s'est rien fait dans le sous-sol. Souvent, ça dérange quand il y a une entité qui est là. S'il y a des rénovations, ça réveille quelque chose. Ah, puis là, les gens se sentent comme... C'est comme si l'entité n'était pas content de ce que tu es en train de faire. C'est arrivé souvent, là. Êtes-vous content de ce que le nouveau propriétaire fait dans la maison? Non. Non, c'est ça. Eux autres sont plus victoriens, puis nous autres, on est plus contemporains. Donc, ça arrive plus dans des... Il n'aime pas le vert. Le gars, il a peinturé son mur en vert. Ouais, c'est ça. Faut pas... J'ai peur. Ouais. Non, ben non. Ben non. Ben non, Anne. De toute façon, la poupée, juste pour terminer là-dessus... Je l'imagine, la poupée. Je la vois. Oui. Mais on fait quoi avec cette poupée-là? On la garde jusqu'à 2019? Ben, je la garde. Oui? Puis d'un coup, que quoi? Qu'elle change? Qu'elle devienne fine? Non. Ben, peux-tu prendre un couteau? Peux-tu... Non. C'est sûr qu'elle peut pas? Oui. Puis si tu apportais une petite soupe... Elle peut pas rentrer dans ta tête et te forcer à prendre un couteau puis à... Hey boy. C'est pas arrivé, non. Je sais pas. Putain, non, je sais, moi, je dis ça. Ça, c'est la poupée. Ah, mon Dieu, elle s'appelle Anna, comme moi, avec un à l'envers. C'est un film d'horreur, Marc. Ah oui, non, c'est formidable. J'ai envie de vomir en ce moment. C'est dégueulasse. Oui. Non, non, mais c'est comme on se l'imagine. C'est vraiment la poupée de Stephen King. C'est vraiment c'est vraiment Stephen King. Moi, je ne sais pas pourquoi tu l'as gardé. Un attachement, je ne sais pas. Ben, on s'attache à ces affaires. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que tu vales à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Un hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Les scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Yeah, yeah, yeah. Yeah. À quoi ça va me servir d'aller faire couper les tifs? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis juste ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre ou dire l'eau. Et je me suis fait virer. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Round, round, get around. I get around, yeah. Get around, round. C'est de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy. Ça frime pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue. Avec un Singles et Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient, et les loulous roulaient, et les cailloux chantaient, et les cailloux chantaient. Un truc qui me colle encore. John. Hey, hey, hey, that's what I say. Pour Anne et Marc, impossible de terminer une journée sans un petit jeu, même si la mauvaise foi est de la partie. Okay. Je pars en voyage, j'apporte mon passeport. OK. Ouais, ça, c'est sûr. Bon. Je pars en voyage, j'apporte mon passeport et mon short. OK, je pars en voyage, j'apporte mon passeport, mon short et une botte de rapini. Le rapini, mon légume préféré. On n'en trouve pas partout. Je pars en voyage, j'apporte mon passeport, mon short, mon petit pied de rapini. J'avais dit une botte. T'as perdu. J'ai perdu. C'est formidable. J'adore ce jeu-là. Ben oui, c'est le fun. On recommence. C'est à mon tour. Vu que t'as perdu, aimes-tu mieux commencer? Non. Moi, je suis bonne joueuse. Ça me dérange pas. Okay, j'ai pas d'orgueil là-dessus. Bon, mon Dieu, fais ta tête. Je pars en voyage et je mets dans ma valise ma figurine de Voldemort pour me porter chance. C'est long. Alors, je pars en voyage, j'apporte ma figurine de Voldemort pour me porter chance. Ainsi que mes deux plottes de laine noires et blancs pour faire des chaussettes à mon fils. J'apporte dans ma valise ma figurine de Voldemort pour me porter chance et mes deux plottes de laine noire et blanche pour faire des chaussettes à mon fils. Bravo, c'est bien dit. Je pars en voyage. Attends, j'ai pas rajouté. Oh boy! Ah oui, hein? Il va y en avoir un troisième. OK? Et j'ajoute... J'ajoute mon jeu de fléchettes que j'ai trouvé dans le marché aux puces de Saint-Rouen en Vincennes le 18 mai 1916. Si j'ai envie de te donner un coup de poing d'en face. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors, je pars en voyage. J'apporte ma figurine de Voldemort pour me porter chance. Mes deux plottes de laine noire et blanche pour faire des chaussettes à mon fils. Et quoi donc? Bonne chance. Je sais que ça se passe à Vincennes, au marché aux puces de Vincennes, le 18 mai. Le 16, t'as perdu. Bon, ça y est. C'était quoi la bébelle? Le jeu de fléchettes. Oh, oh, oh, oh, c'était facile en plus! Quel jeu de merde! Le jeu le plus plat du temps des fêtes. C'était insupportable. C'était formidable. Formidable. Hé, hey, là, là, là, là! Oui, c'était formidable. C'était le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. À la recherche, Maud Paquette. À la technique, Dominique Beaudoin et Patrick Noup. Les musiciens, Joseph Marchand, Samuel Joly et Philippe Bro. Adjointe à la réalisation, Anne-Charlotte Desjardins-Lopez. Cette émission est signée Francis Legault.